Toată lumea în discotecă îl cunoște pe Romica. El de fiecare dată pleacă cu o altă găcică. Și uite cum acum se naște o întrebare usturătoare. Oare iubirea lui Romica nu-i cumva o lipsitoare? Eu nu știu că nu sunt medic, dar hai până la farmacie să ne luăm testul Veneris. Că testul Veneris știe... Testul Veneris răspunde la întrebări usturătoare. Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, bien sûr. Bulle de rêve, ça c'est moi. J'avais pas fait attention que mon générique serait aussi court. Donc on essaye de se préparer en même temps, voilà, comme d'habitude. Il y a un petit peu, on essaye de tout faire. Alors, vous allez me dire d'où vient cette musique que vous venez d'entendre. Alors ça c'est un petit peu particulier. Il y a trois semaines, j'étais en Roumanie, je vous raconte ma vie, dans un festival qui s'appelle Animest. Et ce que vous venez d'entendre était un peu le tube du festival. C'est, vous savez, souvent, il y a des pré-génériques, il y a des gens qui donnent de l'argent. Et ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est une publicité pour des tests pour les maladies sexuellement transmissibles. Alors, c'était en roumain. Donc je pense que vous n'avez pas pu entendre exactement ce qui se disait. Visiblement, c'était très drôle, les gens dans la salle, et donc il y avait un petit truc d'anime comme ça, voilà. Et donc je disais que ça nous changeait un petit peu des génériques qu'on voyait au festival d'Annecy ou dans des festivals comme ça, même au PIAF, hein. C'est vrai que c'était un côté qui est un peu rigolo, donc c'était plutôt sympa. Donc je commence avec ça, je vous en parlerai. Mais c'est le retour de Bulle de Rêve après 4 mois. Bon, j'ai loupé septembre, je suis absolument navré, désolé. Mais un très beau retour, puisque j'ai deux invités avec moi qui sont connus dans le monde de l'animation. Alors, ils ont plein de noms, mais notamment, on les appelle Zik et Zaza. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va parler avec eux pendant, on va voir, 1h30. Enfin, ça va être un petit peu... On va se balader dans leur carrière, dans leur travail, etc., etc. Pour parler un tout petit peu. Retour de Bulle de Rêve après un bout de temps, toujours évidemment sur Radio Libertaire. Vous savez que pendant longtemps, j'ai commencé avec cette phrase qui disait Radio Libertaire, c'est la seule radio qui permet d'avoir 2 heures sur le cinéma d'animation tous les mois, ce qui est assez exceptionnel. C'est toujours vrai, c'est Radio Libertaire est le seul. Mais on a encore plus besoin de Bulle de Rêve et de Radio Libertaire qu'avant, puisque les gens commencent à parler d'animation un peu partout, à droite, à gauche. Il y a des livres qui commencent à sortir, il y a des choses comme ça, et qu'il va falloir avoir des points de vue différents sur l'animation. Par exemple, là, le grand truc du moment, c'est la French Touch. Et vous savez, comme toujours, la French Touch, dès qu'on nomme quelque chose, c'est la fin de cette chose. Sinon, on ne le nommerait pas, parce qu'évidemment, tout ça, il faut que ça reste un petit peu mystérieux. Donc la French Touch, elle n'existe plus pour moi. Alors, évidemment, c'est là où c'est intéressant Radio Libertaire, c'est que Radio Libertaire, vous entendez ça, alors que sur France Culture, ils font des émissions sur qu'est-ce que la French Touch en animation, ce qui est complètement ridicule, puisqu'évidemment, cette French Touch, encore une fois, elle a eu lieu. Il y a eu ce moment qui était dans les années 80, le plan image de Jack Lang, des choses comme ça, qui ont permis 10-20 ans après d'arriver. Soyons clairs, on a des talents incroyables en France, et voilà, ça, on va en parler avec mes deux invités. Il y a des films incroyables, mais c'est vrai que la French Touch en elle-même, voilà. Ah, mais je crois qu'il disait déjà, justement que la French Touch, c'était qu'il n'y avait pas vraiment... un seul style, quoi. La French Touch, c'était plein de styles, la diversité. Complètement, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas si... Oh, ça serait vraiment intéressant d'y réfléchir, et je ne sais plus justement s'il y a ça. Ouais. Je ne sais plus s'il y a autant de diversité de styles, par exemple, qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Ou en tout cas, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup... Les écoles font beaucoup travailler sur des choses très... Intéressant. Très spécifiques, très carrées, etc. Et tu vois, quand je vois le film de Sandrine, laquelle elle est en train de préparer, Sandrine Stoyanov, franchement, tu te dis, on est hors mode, tu vois. Et ça fait plaisir. C'est le court-métrage qui le permet aussi. Ouais, voilà. C'est le court-métrage. Voilà. Mais justement, je pensais au court-métrage. Mais c'est pour ça que c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en effet, on a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent finalement l'animation à travers plutôt le prisme du long-métrage et de la série. Tout à fait. Donc, alors, ce qu'on va faire, ce petit intro, donc pour dire. Encore merci Radio Libertaire et vive Bulle de Rêve. Et soyons clairs, c'est pas parce que c'est moi qui anime Bulle de Rêve. Olivier Catrin l'a fait avant moi, il y en a d'autres. Et j'espère qu'il y en aura d'autres évidemment qui reprendront le flambeau. Mais qu'il me paraît absolument important et urgent toujours d'avoir une émission de 2 heures sur le cinéma d'animation. Ceci étant dit, on aime bien aussi la musique forcément. Donc on va faire une petite coupure musicale, juste le temps...

la couleur et la peinture, ou est-ce que c'est la peinture qui est venue avant le dessin, ou je sais évidemment le dessin est toujours présent même dans la peinture, mais c'est, vous deux, je sais pas comment ça s'est passé, voilà, quand vous étiez tout petit d'un seul coup, c'était beaucoup de gens de l'animation, c'est ah on dessine, il fallait que ça soit en mouvement. Vous, ça s'est passé comment? Moi, c'était plutôt de la peinture, mais avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire du mercurochrome, de l'acide picrique, je ne sais plus quoi. Mais mes parents m'avaient donné quand même un carton toilé pour faire des expressions. Mais je faisais plutôt des trucs un peu... mon modèle, c'était un peu Picasso, en fait. Alors, c'est trop drôle, parce que je ne sais pas pourquoi, comme ça, c'était venu. Parce que mes parents, ils n'étaient pas forcément... Enfin, ils n'avaient pas une culture graphique ou artistique. Et du coup, c'est marrant. Je sais pas pourquoi c'était comme ça. En tout cas, j'avais pas de peinture, tu vois. J'avais pas de pinceau, j'avais pas de crayon. Donc c'est quoi, c'est la couleur, c'est les couleurs qui... Bah, tu sais, c'est comme c'était de la matière un peu. Enfin, il y avait de la pommade, puis ça pourrissait à la fin. Tu sais, le tableau, au bout d'un mois, il commence à devenir un peu... Tu te souviens vers quel âge c'était? Ouais, peut-être par là, vers 8-10 ans, je sais plus, ouais. Et donc, est-ce qu'en effet, tu dessinais des choses? C'était quoi, Picasso? Donc là, on était plus dans quelque chose d'abstrait? Au tube, je sais pas, l'acide picrique, comment je le passais, mais je devais le passer au doigt, peut-être, tu vois. j'ai plus d'images, vraiment, mais j'essaye d'imaginer. La pommade, je devais la passer au doigt aussi, je vois que ça. Donc ça, c'est les premiers... Les premières expressions, en fait. Et après, il y avait du crayon, quand même, parce que j'avais dessiné toute ma famille, en fait, avec leurs caractéristiques. Au crayon de couleur? Pas au crayon, au crayon de papier, ouais. Donc il y avait déjà l'idée presque plus d'observation. Ouais. Parce que quand tu parles de leurs caractéristiques, c'est presque plus observation que les dessiner de manière, on va dire, réaliste. Le visage peut-être un peu réaliste, mais après c'était plus leurs caractéristiques, ce qu'ils aimaient faire, enfin tu vois, leur Et truc, toi quoi. Des dessins d'enfants comme... En fait, mes parents me donnaient un papier, un crayon, et puis comme ça, ils avaient la paix. Je restais à l'arrière de la voiture, et puis je dessinais pendant tout le voyage. C'était des crayons de couleur, évidemment. Et en fait, je reproduisais surtout des Disney, des trucs comme ça. Quand j'avais 5-6 ans, c'était... c'était... D'ailleurs, j'ai pas retrouvé de dessins d'enfants, de vrais dessins d'enfants, en fait. En fait, c'était juste des reproductions à l'identique de dessins de Disney que j'ai de l'époque de, je sais pas, de 6-7 ans. Et après, j'ai dessiné comme Zaza de manière plus réaliste et à la mine de plomb, au crayon. J'étais en colis de vacances et je me souviens, j'avais dessiné la monitrice. En fait, je l'ai, le dessin. Et j'ai donc ce dessin que j'ai fait d'elle, de face, qui est assez ressemblant, en fait, je pense, parce qu'il est réaliste. Et en fait, elle était pas contente, et elle a fait son portrait d'elle-même, de profil, avec le doigt, elle avait fait des reflets sur ses cheveux et tout ça. Et c'est trop marrant de voir. En fait, elle t'a donné le dessin sans disant c'est comme ça que. C'est comme ça que je suis. Alors qu'en fait, je pense qu'elle était plus comme le dessin que j'avais fait. C'est comme ça qu'elle voulait être représentée, en tout cas. Ouais. Donc, un côté presque plus technique, tu dirais, quand, dans le dessin, quand tu dis tu voulais représenter, tu voulais. Ça t'intéressait, cette idée de technicité du dessin, en tout cas de... Sûrement, oui, sûrement. Puis tu faisais des trucs, tu faisais des raons sur la peau des enfants. Oui, des copains, je leur dessinais raons. Des tatouages, au stylo bille. Des faux tatouages, c'est des ça. Des faux tatouages au stylo bille sur leur dos. Je me disais, putain, si jamais je leur dessine, je sais pas, une gonzesse, ou... c'était des durs. Mais bon, je me suis pas amusé, sinon ils m'auraient cassé la gueule. Alors comment on passe justement de ça, je sais que vous n'avez pas un parcours un peu particulier. Non. Comment on arrive à vouloir en faire son métier, ou se dire... Je pense que c'est vraiment du hasard. Ouais. Je me souviens, j'avais toujours une hantise, on en parlait encore récemment, quand il y avait des conseils d'orientation, la peur de qu'on vienne nous dire... Et plus tard, vers quoi vous voulez vous diriger? En fait, je n'en savais jamais rien, mais presque jusqu'au bout. Même encore aujourd'hui, on va où, on fait je sais pas, les choses se font au fur et à mesure, c'est des hasards, des rencontres. Des rencontres. Moi, j'ai ouais, fait, c'est ça, c'est toi, vraiment... t'as, fait une, t'as fait l'école Boulle. Ouais. Ouais, puis c'est, je me dis, enfin si, j'avais c'était envie de dessiner. Tout, Et mes parents m'ont fait faire une école où on sait un peu de dessin, mais quand même beaucoup de bois, de construction, de métal. Loin du dessin animé, donc. Mais, ouais, loin du dessin animé, mais en même temps, on faisait aussi de, la, de l'architecture. Donc on avait des cours de perspective, on avait, tu vois, tous ces trucs qui me servent maintenant, quoi. C'est compliqué de vous avoir, moi qui suis prof, par exemple, et je dis aux élèves, parce que le monde aussi a sûrement aussi un tout petit peu changé, ça reste il y a 20 ans, 30 ans, oui. etc. C'est vrai que souvent, moi, j'entends ça leur dire, il faut choisir un peu le chemin, quitte à en changer. Par contre, dans 5-6 ans, enfin, ne pas être obligé de rester sur le chemin, en fait, ça revient un petit peu au même. C'est, enfin, j'ai l'impression c'est... On est quand même resté sur le même chemin, ouais. là. Oui, je pense. On n'a pas bifurqué tant que ça. Parce que... Ouais, mais quand on parle de rencontres, on va en parler. Il y a quand même des rencontres qui sont fondatrices. D'ailleurs, c'est intéressant pour les réalisateurs. On reparlera évidemment plus tard de Benjamin Renner. Mais comme on disait, quand moi je l'interviewais, il parle de vous. Tout le temps, quand il parle des films. Il est adorable. De toute façon, ouais. il a une propension de reconnaissance assez inouïe. Il y a peu de gens comme ça. Benjamin et Didier aussi. C'était des belles rencontres. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est des rencontres qui, d'un seul coup, font aller vers autre chose qu'on le verra que Lucky Luke ou que d'autres séries ou d'autres films que vous avez pu avoir, en fait. C'est se laisser aller... On fait toujours des belles rencontres, je trouve, dans le dessin animé. Enfin, je sais pas, on a toujours croisé des gens étonnants, en fait, parce que... Même si c'est des rencontres un peu... Parce que, pour parler de Lucky Luke, de Xylem et tout ça, même si ça a pu être des rencontres un peu plus chaotiques, un peu plus tendues, mais c'est des belles rencontres quand même. Ben je veux ouais. dire, c'est... Enfin, moi, je suis resté 10 ans, donc on reste pas 10 ans si on s'y plaît pas, quand même. Je veux dire, à l'époque, il y avait quand même suffisamment de studios pour aller voir ailleurs, donc c'était possible de changer. Donc, au niveau des écoles, l'école Boulle, ouais. et ensuite, on... Bah après, j'ai travaillé un peu, j'ai travaillé un an dans l'architecture intérieure. Ouais. Mais en fait, mon idée, c'était plus de faire, parce qu'on a appris à faire du design aussi d'objets. Et moi, c'était plus ça qui me tentait, mais il fallait trouver le... Enfin, des sociétés où... Après, c'est un peu les profs qui nous trouvaient des idées de travail, quoi. Enfin, des sociétés où... Puis moi, ça... en fait, je suis tombée de haut quand j'ai commencé à travailler. Parce que par rapport à tout ce qu'on avait appris, qui était très créatif, je me retrouvais à travailler dans un studio où je tirais des barres, où j'allais faire des relevés de mesures sur des chantiers. C'était super intéressant, hein. C'était... Je rencontrais tous les gens sur les chantiers, quoi. C'était chouette. Tous les corps de métier. Ouais. J'aimais bien, mais en même temps, je tombais un peu de haut. Je sais pas comment te dire, tu sais. Ouais. Tu te fais une idée d'un métier et tout d'un coup, c'est pas vraiment le métier. Puis, le hasard des rencontres a fait que très vite, j'ai bifurqué sur l'animation. Puis en plus, tu me racontais que tu te retrouvais sur des chantiers où tu étais la faible femme que tout le monde voulait protéger. Et... Ils étaient adorables, tu sais, les mecs, ils étaient. Déjà, ils se déshabillaient sur le chantier, pas toi. Enfin, tu sais, il y avait un rapport, c'était marrant quand même. Et moi, une fois, j'étais payée pour enlever les gravats d'un chantier parce qu'il y avait une présentation et tout. Puis t'avais les vieux maçons et tout qui me disaient: mais tu vas pas porter ça. Je vais t'aider, tout ça. Bon, ok, non, mais je suis payée pour faire ça, tu sais. ça va aller. Oui, une espèce de... Ouais. Protection. Un peu, ouais, parce qu'on pourrait dire, bizarre, sans plein de choses, un peu machiste, ouais, mais à la fois, oui, c'est ça, de dire, je suis là, c'est... Pourquoi Pourquoi faire? Oui, donc un milieu qui n'est pas évident, même si l'animation n'est pas toujours évident non plus, mais en tout cas, voilà. Ouais, ouais, ouais. Un milieu, Oui, un milieu peut-être un peu sexiste, et que dans l'animation, il l'est aussi, mais un peu moins quand même. Moi c'était un peu plus, j'avais l'impression d'être... je retrouvais ce que j'avais connu à l'école de plus créatif, quoi. Et comment... Dans l'animation. Alors là, c'est le hasard. Le nom, c'est le hasard, c'est quoi? C'est... On peut dire maintenant, il y a des reconnaissances qu'on peut, oui, qu'on c'est peut vrai. Citer. Ouais. Ben, moi, c'était un copain en fait, que j'avais connu à l'âge de 16 ans. Donc, qui avait commencé à faire un court-métrage, donc après qui a fait des longs-métrages, qui maintenant qui fait des longs-métrages et des livres. Et qui est même qui fait partie de la famille. Ouais, voilà, maintenant voilà. Ça y est. Parce qu'il s'est marié avec sa sœur. Avec ma sœur. Donc c'est lui qui m'a, proposé. René Manzor, oui, on va le dire. Enfin, oui, il a fait aussi. Oui. Plus dans les années 80, 90 notamment, voilà. Des films qui ont quand même été. Ah bah oui, et aujourd'hui, il est romancier. Et donc, il est et là, il est reconnu en tant que romancier. Et donc, il t'a demandé, en fait. Si je voulais bien faire des décors. Sur son court-métrage. Dans un premier temps, c'était un court-métrage d'animation, parce que ça lui plaisait. Puis finalement, ce court-métrage a été remanié et il a été intégré dans son premier long-métrage. Le passage. Le passage. Ouais. Ouais. En prise de vue réelle avec Delon, et c'est Delon qui fait le métier de dessinateur d'animation. Quoi. Et donc tout ça, c'était toi qui. Les décors. Ouais. Tous les décors. Les décors en noir et blanc. Mmh. Très réaliste. Que de puis à l'aéro. Enfin, c'était tout sur papier, quoi. Et très grand, d'ailleurs. C'était des grands formats. C'était super long, ouais. Et toi, alors ? Moi, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai fait une école de bande dessinée. En fait, j'ai fait les Beaux-Arts de Nice. Et c'était pas franchement mon milieu. J'ai appris des trucs. Hein. Il y a une ouverture d'esprit, justement, sur le monde de l'art et tout ça. Mais j'adorais trop la BD. Je savais qu'il y avait une école de BD qui allait s'ouvrir à Angoulême. Mais c'était pas avant 2 ans. Donc j'ai fait 2 ans de Beaux-Arts à Nice. Et quand l'école s'est ouverte, donc j'ai postulé, puis je suis rentré à l'école d'Angoulême. Donc j'ai fait les 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, en fait, il y avait un studio de dessin animé qui recrutait des dessinateurs. En fait, ils avaient besoin de. Donc ils ont recruté aux Beaux-Arts et le secteur BD était plus à même de savoir dessiner dans les bonnes proportions et tout ça pour le dessin animé. C'était proche finalement. Et donc t'abandonnes la BD Et j'abandonne la BD complètement. Ouais. Mais pas avec regret, il n'y a pas un moment donné où on se dit pas avec regret. Parce que c'est différent comme enfin. Oui, bien sûr, c'est différent. Bon, ouais. Mais pas avec regret parce que je voyais déjà les conditions qui se présentaient pour en vivre de la BD. C'était fallait forcément faire de la série. Pas des one shot. Ouais. Peu de gens pouvaient faire des one shot. J'étais pas dans la même promo, mais il y avait deux Crécy qui venaient l'année suivante. C'est donc devenu un ami. Donc, à part des gens comme ça, qui ont ce talent et voilà, et qui ont pu se permettre de faire des one shot, d'en vivre peut-être. C'était un autre moment pour la BD aussi. L'association n'était pas encore. Là, mais pas complètement présent. Les gens de l'asso, hein, à part Léus Trondheim, parce qu'il produit comme un monstre, mais les gens de la BD en vivent pas bien, quoi. Ils vivent pas bien de ce métier. Enfin bon, je pense que j'en avais un peu conscience que j'allais pas m'en sortir financièrement dans la bande dessinée, donc je me suis dit bon, je vais voir et dans le dessin animé. Et le premier boulot dans le dessin animé, c'était quoi? C'est pas glorieux. Alors il y en avait deux, c'était Clémentine et l'autre c'était Moi Renard. Donc voilà, des espèces de séries à la japonaise, franco-japonaise. Et toi, donc, t'étais déjà dans les décors. Décorateur, en fait. Ouais. Donc, en fait, tous les deux, quand vous mettez le premier pas dans le cinéma, c'est décorateur de suite. Cependant, j'ai fait du décor couleur au départ. Et ensuite, en fait, j'ai fait de l'anime, de l'assistant d'anime, ensuite, pendant très longtemps. Donc, j'ai pas fait de décor couleur avant. C'est marrant parce que moi j'ai bossé un peu sur Clémentine. 5-6 ans. Et en fait, sur Clémentine, j'ai commencé par le storyboard. Un tout petit peu. Et pendant que je faisais le storyboard, j'étais tellement attirée par. Il y avait des bateaux à faire, des choses comme ça. C'est là que ça m'intéressait en fait. Mais en fait, c'était une époque où on pouvait. C'est ça, j'allais dire. C'était un autre moment où on pouvait franchement essayer des choses. Et aujourd'hui, il y a une compétition. Et les gens doivent venir avec tout un bagage clé en main. On est 1000 sur la liste. Puis on peut plus se permettre de. Ouais, mais ils sont quand même plus formés à faire un peu de tout aussi et bien. Aussi, dans plein d'écoles, savent le faire. Ils savent le faire. Par leur film d'école d'ailleurs. Ouais. Sauf que la problématique, elle est peut-être aussi, comme tu disais, toi tu fais du storyboard, mais tu regardes un petit coup d'œil sur le décorateur. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Même à Folivari, je suppose, si quelqu'un est dans le... Il peut regarder ce que vous faites, mais ça doit être moins évident de pouvoir passer d'un... Ça peut arriver, en fait. Mais ce qui est pas, ce qui n'est plus possible, c'est plus une histoire de hiérarchie, de fonctionnement, de studio, quoi. Voilà, il n'y a plus cette liberté. Mais moi, en plus, enfin, quand j'étais au bord, je me rappelle quand même que je transpirais beaucoup. Hein. C'était pas seulement parce que c'était l'été, mais quand t'avais des mains à faire qui tournaient et tout, j'étais là, waouh, j'ai pas assez dessiné les mains, mince. Il y avait un côté technique. Je me sentais plus à l'aise avec ce qui était décor. Les décors plutôt que les personnages. Ce que je vous propose, c'est... normalement, si j'ai bien fait mon travail, je regarde rapidement. Ce que je vous propose, on va écouter, on va faire encore une petite pause musicale et on va passer... j'ai mis ça comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on va parler des séries. On va parler des longs métrages et après j'aimerais qu'on parle peut-être parce que, et vous pouvez évidemment me dire que j'ai mal fait mon travail et que ce n'est pas ça, mais de finir avec, enfin en tout cas de faire une partie peut-être sur plus la rencontre avec Benjamin Renner, Folivari, ouais. Didier Brunner, Les Armateurs et peut-être aussi quelque chose qui me paraît comme, comme un peu une compagnie, pas de théâtre, mais en tout cas des gens qui travaillent ensemble et qui ont peut-être des choses. Donc faire ça, on va écouter un peu de jazz. Oui, je sais, je vous vends à chaque fois mon frère, mais bon, ça vaut la peine quand même que je sois ici et que j'en profite. Son groupe, en tout cas, il a travaillé avec un Hongrois qui s'appelle Attila Korb and his Rolini Project. Là, c'est une chanson qui s'appelle Somebody Loves. Et donc, voilà, vous entendrez à la guitare, Manjo, c'est mon frère qui joue. Mais c'est super bien. Hein. On écoute et on revient après. Thank you. Et ben voilà, ça arrive, on s'est laissé piéger. Nicolas s'est piégé, première fois en 10 ans que Nicolas se laisse piéger, je suis content. Donc c'était Attila Korb, and his running, que je vous dise pas de bêtises, hop. And his Rollini Project. Comme d'habitude, de toute façon, sur The Web Anime, je mettrai tous les liens, les choses comme ça pour aujourd'hui. Avant de parler, j'aimerais juste qu'on mette le petit morceau qui est juste derrière, qui est le morceau 4, s'il te plaît, Nicolas, qui doit durer quoi, 50 secondes, quelque chose comme ça. C'était un petit peu. Donc, ce que vous venez d'entendre est un générique d'une série très célèbre qui est Oggy et les cafards. C'est quoi travailler sur. Quand on est décorateur, si on veut. Je vais me faire l'avocat du diable. Et puis, évidemment, comme ça, vous pourrez me dire non, non, c'est absolument n'importe quoi ce que tu dis. On imagine qu'être décorateur sur une série, c'est reprendre les mêmes choses, en faire une cinquantaine pour avec plein de modèles, des choses comme ça, pour que les gens suivent bien et qu'on n'a pas forcément une grande liberté. Est-ce que je me trompe? C'est selon les séries. Ouais. Oui. Non, là, on avait quand même une assez grande liberté pour. Alors j'imagine. Pour la créer, okay, hein. Oui, c'est ça. En fait, l'enjeu, c'était comment il s'appelait déjà le. L'auteur de Oggy et les cafards, le graphique. Olivier ? Non, pas Olivier. Olivier, c'est le réalisateur. Ah oui. Qui était Angoulême. Ouais. Donc, c'est l'école, hein, parce que je n'aurais pas dit du tout de quoi on allait parler. Donc voilà, mais. Donc oui, l'auteur en fait qui avait déjà fait les Zinzins de l'espace et. En fait, l'objectif, ben, il adorait plein de séries américaines, cartoons, etc. L'enjeu était de faire. D'ailleurs, je trouve que Xylam n'a jamais été aussi bon qu'en faisant du cartoon à l'américaine en France. Et avec une tonalité bien française. Ouais. Et ça tient beaucoup à Olivier Jean-Marie qui a réussi à le faire, le réalisateur. Il n'était pas réalisateur sur Les Zinzins. Sur Les Zinzins, c'était Thomas Zabot, qui est le. Qui a fait Minuscule. Le réalisateur de Minuscule. Voilà. Ouais. Thomas Zabot, qui ensuite est devenu storyboarder pendant la période de Oggy, et c'était les storyboards les mieux. Moi, je trouvais que c'était ceux qui étaient les plus économiques. Pour nous, c'était super, c'était royal, et en plus, c'était éminemment efficace. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. C'était. Rimbaud. Ah oui, voilà, Jean-Yves. Jean-Yves Rimbaud. Jean-Yves Rimbaud, qui est le créateur des Zinzins de l'espace et de Oggy et les cafards. Donc il est décédé avant d'avoir vu un seul épisode de Oggy et les cafards, malheureusement. Mais voilà, c'est lui qui a créé. Deux séries importantes, juste vraiment importantes hein, dans le monde de l'animation française. Et puis ils ont été un peu partout dans le monde. Mais, ouais. Une vraie liberté. Côté un peu barré. Ce qui était intéressant sur Oggy, d'une part, c'est ils avaient opté pour une série muette, donc pas de problème pour l'international, à part peut-être des histoires de censure, mais sur les voix, il n'y a pas de voix, donc c'est parfait. Moi, j'adorais ça parce que ça demande en fait plus de rigueur sur le storyboard. Faut être compris de manière universelle. On peut pas se raccorder à se céder du texte et des dialogues, donc je trouve ça plus fort en fait en quelque sorte. Et Oggy les cafards, donc sur les Zinzins j'ai pas bossé du tout, mais sur Oggy, donc il était question de créer des lieux, fallait faire une ville totalement uniforme à l'américaine, mais finalement on s'aperçoit que en France on a les mêmes aujourd'hui. Donc voilà, ça a été ma première contribution de créer une espèce de maison type qui allait se répéter à l'infini sur une espèce de lande déserte. Voilà, il y a eu plein de design à créer. Mais j'avais une relative liberté. Après, bon, bah, y avait des validations multiples de la part du réal, de plein de gens, du producteur évidemment, qui avait son mot à dire. Non, finalement, les chaînes, on s'aperçoit que les chaînes en plus, aujourd'hui, sont mieux formées pour lire des storyboards, et elles ont leur mot à dire maintenant sur les storyboards, mais sur les décors, ça va. Hein, faut vraiment faire quelque chose de honteux, ou je sais pas, de tendu, mais c'est... Non, ouais, ils n'arrivent jamais, il n'y en a pas qui vont dire on aimerait que ce soit une couleur un peu différente, des choses comme ça. Les couleurs, oui. Sur les couleurs, sur c'est les ça. Couleurs. Ouais, ouais. Mais sur un décor, on va dire que c'est... Oh, mais même, c'est ça rare va. Quand même. Hein. Ouais. Ouais, sauf si c'est si ça va servir d'affiche, tu vois, par exemple. Oui, voilà, forcément, tout le ouais. monde a son mot à dire. Mais quand c'est dans la série, quand ça passe... Ouais, ça, ouais. Ça va, quoi. Donc une relative liberté pour créer les lieux de cette série. Donc à la base, c'était quand même, il faut dire une chose... Ils l'ont pas fait, ça aurait été chouette. Finalement, ça a été fait dans d'autres, par exemple les Lascar. Mais en fait, à la base, ils devaient faire engager un photographe. Et en fait, tous les lieux devaient être des lieux photographiques. D'accord. Où en fait, c'était plus gonflé. Il y aurait eu donc ce personnage cartoon qui circule dans un vrai décor. Et finalement, ils l'ont pas fait pour des question de j'imagine de droit, il aurait fallu payer le photographe en droit d'auteur, enfin il y avait des conneries de droit qui les emmenaient trop loin, donc ils ont abandonné le projet. Mais c'est la raison pour laquelle finalement les décors sont si en dichotomie avec les personnages, parce que c'était déjà une volonté depuis le départ. Donc on a des décors où nous on les dessinerait de manière réaliste, mais avec des formes cartoon quand même de temps en temps, avec des outrances. Mais le rendu couleur ensuite du chef déco de Jean Journeau, c'était de rendre ça photographique, quasi photographique. Donc, parce que c'était l'optique de départ. Il y a plein de séries, on va pas dire forcément toutes les séries. Vous préférez quoi? Vous préférez travailler sur une série où il y a par exemple, il y a Lucky Luke, c'est des choses où il y a déjà une base. Donc, mais là, il n'y avait pas de base. Travailler, voilà. Ou plutôt des séries comme Augie, où vous n'avez pas de base et vous devez tout créer. C'est, je suppose que les challenges, de toute façon, sont complètement différents. C'est différent. Parce qu'après, c'est de l'adaptation. Quand il existe quelque chose. C'est pas frustrant, l'adaptation. En fait, non, c'est intéressant. Des gens qui ne dessinent pas comme nous. C'est intéressant parce que, tu vois, par exemple, on a travaillé sur Spirou. Par exemple, il y a pas mal d'albums, quand même, de Franquin. Et après, il fallait choisir l'époque qu'on préférait, en fait. Mmh, bien sûr. Moi, je me rappelle, j'avais préféré un peu Panade à Champignac, et j'aimais bien. Et QRN, surtout. Ouais, dessiner au pinceau les décors, plutôt, comme QRN et Panade. Alors que moi, et toi, t'étais à l'époque, j'étais plus... La mauvaise tête. Voilà, quoi. La mauvaise tête. C'est-à-dire, encore c'est différent, avant, tu vois. Avant. Et plus RG1, voilà, on va dire. Ouais. Et c'était marrant parce que du coup, on a réussi à mélanger. Oui, mais c'est toi qui as eu raison parce que finalement, c'était la période la dernière, ouais. La plus festive. Je trouvais qu'elle bougeait toute seule un peu, tu vois, dans Panade. Et finalement, c'est ça qui a été... des traits vachement. Mais c'est ça qui a été conservé. Puisque ensuite, quand il y a eu des séries suivantes, ils ont poursuivi dans cette veine. Ils ont pas essayé de faire quelque chose de plus classique ou je sais pas quoi. Ouais. Finalement, même le Marsu, c'est quasiment les mêmes décors qu'on a fait au tout début. C'est la même chose. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est vous êtes assez libre. Il y a le réalisateur qui est derrière vous, non? Vous êtes êtes libre et vous proposez le plus de choses. Oui. Alors, c'est différent sur le choix de l'album sur lequel on va extrapoler, bien sûr. On est totalement. Oui, mais là, par exemple, Franquin était décédé aussi quand nous on a travaillé. Je veux dire, il n'avait pas. Il n'est pas intervenu. Par exemple, on a travaillé aussi sur Jojo. Il y avait Gertz qui était là. Mais il intervenait aussi pas tellement, pas tant que ça, en fait. Donc, Et sur la série sur laquelle, plus sur les personnages, d'ailleurs. Sur laquelle je bosse en ce moment, c'est César et Capucine. Là, c'est pareil. C'est l'adaptation, non pas d'une bande dessinée, de Thébault, mais d'un vrai univers qu'il a créé. Mais, bon, les dessins qu'il a créés, il y en a très peu, donc il y a beaucoup à créer et j'ai champ libre, en fait. Donc il y a une base que Thébault a dessinée. On essaye de la conserver. Ouais. C'est une planche en noir et blanc, ouais. Avec un trait plus rough. Donc on essaye de conserver en fait des lignes de force, les choses qu'il a initiées. avec le réalisateur qui très souvent dans ce cas de figure c'est le réalisateur qui est le directeur artistique, ouais, voilà. Donc c'est lui qui tranche, qui dit non, j'aurais préféré plutôt ceci, plutôt cela, mais t'as quand même une liberté de proposer, tu proposes et à la limite il y a des changements mais ils sont infimes. Au final. Puis après, vous en discutez. On en discute, ouais. Voilà. Mais il y a comme une totale liberté. Ça veut dire qu'il faut être à mi-chemin entre un caméléon, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir changer de style de manière quasiment, parce qu'en plus, vous travaillez sur beaucoup de choses, ou vous en parliez quand vous êtes venu au Piaf, des fois, vous commencez à travailler des choses, et puis d'un seul coup, ça passe dans d'autres mains, et puis etc. Mais vous êtes sur plein de choses, et à la fois, donc, être dans le style tout en ayant des choses personnelles. À dire aussi, c'est pas facile. Bah, ça vient, ouais. Enfin, le truc personnel, il vient un peu de manière normale, j'allais dire. Ouais. Enfin, oui. Tu sais, parce que c'est toi qui le dessine, du coup. Alors, il y a de toi dedans. Forcément. Une autre personne, aussi compétente, va faire quelque chose de totalement différent. Et cependant, aura pris la même référence, aura les mêmes éléments en main, va faire une chose totalement différente, c'est évident. C'est pour ça que, encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vrai que quand on adapte Franquin, Maurice pour Lucky Luke, ou je sais pas, finalement, c'est des choses assez... C'est très subjectif. Oui, c'est ça. Mais oui, bien sûr, c'est très... Et c'est ça qui est étonnant, c'est que tout le monde... À la fin, producteur, réalisateur, etc. Et puis tout intervenant va dire ah oui, c'est évident. Mais non, c'est pas évident. Bien sûr que non. C'est totalement subjectif. Ouais. C'est des choix. Les gens tombent tous d'accord ensuite pour dire oui, c'est comme ça qu'il fallait le faire. Mais non, il y aurait eu mille autres manières de le faire, évidemment. Mais si c'est bien, c'est parce que voilà, ça fonctionne. Puis c'est tout. Il y a des moments donnés où vous avez justement dans cette liberté, d'un seul coup, la possibilité presque d'influer sur, je sais pas, le scénario, ou d'un seul coup, vous allez amener un décor Non, il n'y a pas. Moi, je sais qu'une fois avec Zapp, j'avais fait un dessin, oui, et il m'avait dit. Ouais. Sur le long métrage, du coup, où il avait dit du coup, on va prendre celui-là, il aimait mieux le cadrage que ce qu'il avait fait dans le board. D'accord. Mmh. C'était vachement sympa en plus de me le dire comme ça, c'était plutôt cool. Oui, il aurait pu le prendre pour lui et dire c'était vraiment hyper sympa. Ouais. Disons que les contraintes du dessin animé de série, et même sur le long métrage d'ailleurs, c'est aussi le cas, font que on peut. En fait, aujourd'hui, les gens qui font du design, le design est de plus en plus confié aux storyboarders. Et c'est ça qui est terrible. Une surcharge énorme. Et nous, décorateurs ou designers, finalement, on a très peu de temps pour réellement designer des lieux nouveaux. C'est finalement le storyboarder qui l'initie. Et ensuite, on va le cleaner. C'est un mot un peu indigne de dire cleaner, mais c'est oui, on va le pousser quoi, un peu plus. Mais on va conserver son cadre, l'idée de composition, etc. Et on va essayer de l'étoffer, de trouver le style évidemment de la série, etc. Mais de créer de toute pièce, finalement, il y a peu d'endroits où on a pu le faire. Alors on a pu le faire sur Ernest. Sur Ernest, sur la série. Où là, on était vraiment tout au départ. Là, vous étiez avant déjà dans le long métrage, c'est ça? Il y avait déjà une... Ben dans le long, sur le long aussi, oui. Mais sur le long, il y avait quand même Benjamin qui avait initié, parce qu'il avait fait un pré-découpage. Et donc, d'une certaine manière, il y avait déjà ces angles, ces axes qui étaient pré-existants. Après, il y avait une matière à développer. Hein. Mais du coup, il y avait quand même une direction. Oui, il avait une idée en plus, voilà. Par exemple, de la cabane telle qu'elle devait être... Puis nous, on a proposé quelque chose, une cabane en bois. Lui, il voyait plus une cabane avec des murs en pierre. C'est pour ça que dans le long métrage, en fait, c'est devenu une cabane comme ça, quoi, avec des murs blancs. Oui, parce que la raison pour laquelle c'était avec des murs blancs, c'est parce que sur la série. Non, avant, tout au début, on avait fait une cabane en bois sur le pilote. Oui. Et dans le long métrage, en fait, l'idée, c'était, comme on voulait être fidèle à Gabriel Vincent, la maison, c'est une vraie maison avec des vrais murs. Donc toutes les références qu'on avait graphiques étaient des murs. Donc on a triché, on a fait une cabane, une cabane en dur pour se rapprocher des mêmes images des maisons de Gabriel Vincent. Et voir parce les que mêmes Benjamin, il était très à cheval là-dessus, quoi, qu'on trahisse pas le travail Gabriel Vincent. Bah, et nous aussi. On, bah oui. C'est, ça tombait. Sous... Mm. Enfin, moi, je me souviens, j'étais arrivé à Paris en 87 et j'étais allé à la Fnac et je regardais parce que je trouvais que le livre pour enfants était peut-être le seul endroit où on trouvait du graphisme, du beau graphisme. Déjà, la BD était conformiste, il y avait des séries, des choses à succès et tout ça. Alors que dans l'illustration, on avait des vrais styles différents et chouettes. Et j'avais vu Gabriel Vincent, parce qu'en fait, ça semble vieillot comme style, mais pas du tout. En fait, elle a démarré dans ces années-là. Ah, puis c'est très libre, en fait. Au niveau du trait. Ernest et Célestine, ça date, de 86, 87, quoi. C'est pas si vieux que ça, mais voilà. Donc, moi, j'étais tombée sur Un jour, un chien, c'est ça qui m'avait... Ah oui, mais là, c'est encore plus radical. Ouais. D'ailleurs, les Japonais adorent ce Ouais, parce qu'on l'a vu sur Internet, quand on a cherché, on n'en trouvait que en japonais, en fait. Ouais. Ouais, ils adorent, ils aiment tout ce qui est suggéré. Pour qu'on comprenne, est-ce que toute cette partie-là, elle est prise en charge? Et là, je parle... financièrement, même pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans. Est-ce que, à partir du moment T, il y a un producteur qui vous dit on aimerait que vous travailliez là-dessus. Ah non, on cherche. Ou est-ce qu'il y a beaucoup du temps de votre. Du temps de votre poche, on va dire. Métier passion, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est normal. Ouais. En même temps, parce que tu vis avec, tu dors avec. Enfin, je sais pas, tu sais, tous les projets se nourrissent les uns les autres. On n'arrête pas d'amasser, évidemment, de la documentation qui va nous servir pour d'autres films, évidemment. Tout ça, c'est. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des photos, là, quand on. Enfin, souvent, tu sais, quand on se balade dans les villages, etc., on fait toujours des photos. Tu sais, parce que souvent, entre le moment où il y a le projet et le moment où tu vas faire le film, il peut se passer quelques années, des quelques fois. Quelques années, oui. Donc, on a toujours ce projet en tête et on se dit, ah ouais, tiens, pour tel film, ça serait bien quand même. Ça n'était pas le cas pour Les Hirondelles de Kaboul, par contre. C'était plus difficile, parce que du coup, Kaboul... Parce que pour Les Hirondelles, il y avait une auteure, déjà. Et puis, bon, il n'y avait qu'Internet, mais bon. Non, mais c'est parce que tout à l'heure... On prenait un verre, puis d'un seul coup, vous êtes à regarder, t'as fait « Oh, la lumière est super belle, il y a ça, etc. » C'est-à-dire qu'il faut être en fait observateur. C'est vraiment regarder autour de soi tout le temps, voir un reflet dans quelque chose, se dire « Ah ben tiens, ça m'intéresse. » Donc, c'est des photos. C'est des croquis des fois, c'est Ah oui, c'est des croquis. C'est mélangé. Vous avez vous avez un cerveau qui permet de garder plein de choses en tête comme ça. Non, on n'a pas de cerveau comme ça. Non, on dessine. J'aimerais bien ça. Non, on dessine, on note. Mais ça arrive, tu vois, des fois, là, le petit reflet qui est dans la table, là, c'était tellement beau, tu sais, tu le gardes longtemps, toute la journée, dans l'œil, quoi. Ouais. Mais des fois, quand c'est abstrait, justement, le fait de le garder dans la tête, on le sublime, et en fait, à la fin, ça devient quelque chose qui ressemble pas à la photo, justement, et c'est mieux. Puisque c'est interprété, c'est sublimé et même des fois encore plus poussé, Donc c'est bien de partir de choses encore une fois qui sont autour de soi et souvent parce qu'il y a ce côté un peu dans l'animation, c'est des gens qui ont un imaginaire et il y a un imaginaire, mais finalement c'est aussi partir d'un moment donné de vie qui se passe et puis d'un seul coup on récupère ça. Puis c'est un travail d'équipe en fait. Déjà c'est un groupe de gens, donc on vit ensemble, on partage des moments et chacun va au moment du storyboard il va mettre de son vécu à lui aussi et puis chacun met sa petite pierre quoi. Il y a des fois c'est frustrant par exemple d'être juste dans je suppose ça doit arriver malheureusement des fois d'être dans un coin et on pourrait regarder un peu plus le storyboard, non mais vous faites ça de toute façon, on vous demande ça, est-ce que sans dire de nous évidemment mais d'avoir non, parce ça que non, c'est, jamais parce non, que non. C'est pas possible déjà parce que les storyboarders travaillent dans leur coin. Ouais, souvent, ils travaillent à la maison. Ils travaillent à la maison. Enfin, c'est un travail très... Mais d'ailleurs, notre travail à chacun est très solitaire dans la partie créatrice. Et après, on livre. On livre presque, clé en main. Je me rappelle, on avait travaillé sur Kimbo et il y avait Manu Dibango qui faisait la musique. Et un jour, il s'est pointé comme ça dans le studio. Ben, tous à notre table, tu sais, on est un peu des autistes, quoi. Et en fait, ils disaient, allez, l'ambiance. Mais tu peux pas, quoi. En fait, faut que tu rentres tes trucs. Ah oui, il faut être tranquille, quoi. Enfin, c'était le cas de Johannes Farr. Pareil, lui, il dessine vite et tout ça. Il ne se rendait pas compte que faire des décors de dessins animés, ça prenait un temps monstre. Et en fait, il était là, il pensait qu'il pouvait intervenir à tout moment sur le truc. Ah ben non, là, il faut changer ce truc-là. Ah oui, ben, on peut pas le faire. Ok, bon, on jette et on refait un nouveau dessin, mais la prod va être ralentie de temps en temps. Donc à un moment donné, il s'est cassé, et puis voilà. Oui, c'est ça, c'est des personnes qui ne comprennent pas la fabrication. La fabrication, ouais, si, je pense qu'il le savait, mais bon. Il avait une telle énergie de vouloir. Voilà, parce qu'il était motivé. T'as envie de le faire. C'est comme je t'ai dit avec. Il voulait mettre la main à la pâte, avec René Manzor, qui. On travaillait, je te dis, à l'aéro, quoi. J'avais fait un nuage, et je l'avais fait avec un cache de coton. Et donc le blanc du papier ressortait, c'était nuage, quoi. Je passais du noir autour. Et en fait, il voulait qu'il soit à un autre endroit. Aujourd'hui, c'est possible. Ah, oui, aujourd'hui, c'est possible. Bah, après, si tu le scans et tout ça. Ouais. Mais là, sur le moment, c'était. Ah non, je peux pas. Il faut que je le refasse si tu veux vraiment. Si, il aurait fallu le faire sur une autre feuille et tout ça, faire du compositing. Mais en fait, c'était pas méchant de sa part. Enfin, c'était juste. Il voyait vraiment son cadrage. Il se disait Ah, mais juste là, j'aimerais bien le pousser un peu, quoi. Pour peut-être finir sur les séries, il y aurait plein d'autres choses à dire, évidemment. On peut peut-être dire un petit mot des Aventuriers de l'Art Moderne. Est-ce que c'était un autre, parce que c'est un autre style, graphiquement, visuellement. C'était pas un autre style. Hein. Moi, je trouve que il y avait beaucoup de parenté, parce que déjà, Amélie Harrault, dans son court-métrage, avait un Kiki style. Kiki et Montparnasse. Voilà, Kiki et Montparnasse, qui a un style assez leste, justement, avec un dessin léger et aquarellé, etc. Donc, il y avait des accointances et le but était de faire justement des. En fait, le projet c'était quand même. Il y avait, je sais plus, 50-50, je crois. Non, pas autant. Peut-être. D'archives, oui, voilà. D'archives, 80% d'archives et 20% c'était à peu près cette proportion. Mais quand même. Donc il fallait remplir. Il y avait une heure. Ce qu'on n'avait pas en archives. Je sais plus, il y avait combien 6 épisodes. Je sais six, plus. 6, oui. Hein. Sur les 6, ça faisait en totalité une heure et demie d'animation. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est une vraie prod. Ah, puis ce qu'il y avait de bien, en fait, c'était qu'on avait à faire les décors, mais on pouvait faire les pantins aussi. Voilà, pour les envies d'être animés sous after. Et... Sur certains plans, en fait, on faisait les pantins qui étaient gardés ou pas. On pouvait les préparer. Mais on pouvait les proposer et puis les détailler, en fait, pour que ça puisse être animé. Non, l'aventure était chouette. Ouais, c'était une aventure un peu différente, je suppose. Elle s'est écourtée pour des raisons budgétaires. Il y a eu des problèmes financiers, etc. Donc, finalement, nous, on est partis. Une partie de l'argent qui est passé dans pour les ayants droit, parce qu'il y avait des tableaux quand même. Qui devaient être bien présentés, plein pot. Enfin bon, ça a coûté cher, tous les Picasso. Et après l'animation, du coup, c'est passé un peu. Et c'est un plaisir quand. C'était un plaisir. Ouais. Quand au début, à 8 ans, on a Picasso comme, comme référence, de retrouver ça quelques années après. C'est un bonheur, Ah oui, je me rappelle. Mais on n'a pas fait de truc à la Picasso. Ah mais si, on en a fait un. Il n'a pas servi. Il n'a pas servi. Tu l'avais vu au PIAF, Non, mais c'était une belle aventure, parce qu'on a rencontré plein de gens qui étaient à Angoulême. Et c'était vachement bien. En plus... On a fait des belles rencontres. Marie-Jouin, des gens talentueux. On a fait travailler après. Ouais. Ah ouais, des gens, on a fait des belles rencontres, c'est chouette. Et puis moi j'ai renoué, parce que Angoulême c'est quand même c'est une vieille aventure. J'ai passé ma jeunesse là-bas pendant 4 ans. Je voulais pas y retourner, ça. Je peux comprendre. Retourner en province. Mais moi j'avais tellement envie, en fait, je me suis dit, tu vas me faire découvrir des lieux et tout. Ouais. Puis c'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait. Ouais. Ouais. On a pris des vélos, puis Et puis j'ai vu que la ville c'est bien embellie, les bords de la Charente. Voilà, faut pas rester forcément. Puis il y avait les troglodytes pas très loin. Il y a plein de choses magnifiques. Ouais. On s'est un peu promené. C'était finalement des vacances. Alors on va faire une petite pause musicale. Est-ce que Nicolas est là? Oui, je te voyais plus. D'un seul coup, tu m'as fait peur. Qui est le morceau numéro 5? C'est l'une des...

Si c'est comme ça, je veux bien être ta première disciple. C'est vrai? Génial! Back on the street. T'as vu une révolution et une guerre. Ah ouais? Et t'as vu beaucoup de morts? Quelques-uns. Waouh! Balèze. Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Alors, vous l'avez tous reconnu, bien évidemment, c'est Persepolis. Comment ça se passe quand on travaille c'est une banalité parce que je reviens quand on a l'auteur qui est là, qui est derrière, qui peut dire non ça va pas, ça va, etc. Ou au contraire c'est un... Ah oui, mais alors Marjane, elle était plutôt bien quoi en fait. Elle remettait pas plus en question que ça. Après c'est plus Vinchlouz qui s'occupait de, enfin, Vincent Parrono, Vinchlouz, ouais ça. Qui s'occupait plus de la partie, elle s'occupait plus des animateurs en fait, de la véracité des personnages et qu'elle a connu et des voix et qu'elle connaît, et voilà, c'est normal. Et après sur le décor, c'était plutôt sympa. Elle s'embêtait un peu, même quand elle devait valider, elle disait bon alors qu'est-ce que je dois faire. Ah, tu dis si ça va ou pas. c'est bien d'avoir je sais pas des gens qui sont justement un peu plutôt cool par rapport à finalement leur travail et qui viennent et qui font confiance par rapport à ça sans trop être derrière. Ben, je suppose que encore bien une sûr, fois bien sûr c'est voilà, agréable c'est, mais c'est comme dans le cinéma il y a plein d'acteurs qui disent ça s'est super bien passé, le réalisateur m'a pris pour ce que je suis, ouais. comme acteur, et m'a pas voulu me brider, me dire je sais pas, c'est comme si on demandait à Depardieu de jouer comme Jean Lefebvre, ou inversement. Et on peut pas demander ça, donc c'est la même chose. Ben, en fait, par exemple, tu vois, sur les décors, Vinchlouz, il m'avait demandé aussi de travailler un peu la manière de Ciseaux, puisque ils travaillaient en binôme, ils avaient fait c'était un peu la direction tous les deux de Raging Blues. C'est ça, ouais. Et du coup, moi, j'avais repris les techniques de Ciseaux, mais en fait, j'y ai apporté aussi ce que je savais en faire, en fait. C'est-à-dire que j'étais moins sage. Enfin, pour moi, c'était... Enfin, voilà, j'ai apporté aussi ce que je suis. Une trame un peu plus organique que... Des fois, ouais, ouais. Comment on vous engage maintenant? Vous êtes plus connu, maintenant je pense que les gens viennent, etc. Mais comment c'est pareil, c'est dire ah ben tiens, parce que bon, encore une fois, on dit pas tout, on n'a pas tout, mais il y a des choses qui vont être plus personnelles, il y a des choses qui sont vraiment des adaptations déjà de choses existantes, etc. C'est. Ça se fait aussi avec les studios, parce que tu sais, Persepolis, donc ça, le studio s'appelait Perseprone. Et c'était la rencontre de JSBC et de Bibofilm, quoi. Ouais. Et voilà, donc après, ils se sont mis ensemble. Et voilà, donc eux, ils connaissaient des gens. Donc, même s'ils avaient des directions artistiques différentes. Oui, voilà. Ouais, parce que Bibo, ouais. Plus Disney 1, voilà. JSBC, un peu plus voilà. Trash, on va dire. Ouais. Et puis voilà, après, les gens, ils savent que tu as travaillé... sur des grosses séries, par exemple, moi j'avais travaillé sur 52 fois 26 minutes sur Les Monts Engloutis, donc c'était quand même un gros morceau. Et après, ben voilà, enfin, t'as ta réputation. C'est ça, c'est ça, et puis c'est d'un seul coup, comme je disais, la ronde de la discussion, c'est-à-dire d'un seul coup dire, bah tiens, tu vois ça comment vous êtes, ou alors il y a quoi, il y a des croquis, des choses comme ça, donc ben voilà, on voit ça. Justement, Vincent, il faisait des petites pochades des fois. Alors bon, il faisait son format, hein, qu'il arrangeait, mais ce qui est normal, puisque enfin, t'en parlais aussi de... Oui, de Joanne. De Joanne Swart, qui faisait moins, des carrés. Il les faisait dans le format du film, et pas dans le format d'une BD. Ouais. Ouais, bah, des fois, il faisait en carré, je me rappelle. Donc il fallait rajouter... Oui, bien sûr, mais c'était bien, quoi. Enfin, ouais, c'était une interprétation, il fallait garder son attention principale, qui était forte. Ouais, il a des images très fortes, Vincent. Il y a une différence sur le long métrage et la série, j'imagine, notamment dans la série, l'idée de faire des images qui vont servir 52 fois, enfin voilà, les choses. Tout à fait, ouais, ça c'est bien, bien sûr, c'est très agréable que ça serve qu'une fois, par exemple, et que tu ne sois pas obligé de penser à la réut qu'il va y avoir, réutilisation donc, de tel cadre et tout ça. Enfin, ça c'est plutôt agréable. Sur même si ça existe, hein, la réutilisation. Ça existe un petit peu, mais pas. Ça a été le cas dans la réalité. Oui, on a fait des grands formats. Ouais. Voilà. Où tu pouvais recadrer dans certains endroits du décor qui était très grand. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un côté plus artisanal, en fait. Paradoxalement, peut-être, je sais pas. Plus proche du court-métrage, tu vois. Il y a quelque chose, il y a une parenté entre le court et le long. Au passage, d'ailleurs. Ouais. Vous avez fait des courts-métrages ? Non, pas du tout. C'est non, bah non, parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas fait des écoles de dessin animé. Donc, non. Et puis en plus, ça passe. En fait, c'est comme la BD, ça passe par une étape fondamentale. Il faut écrire un texte. Donc voilà. Voilà. Il faut se mettre d'accord. Fait. Et je pense que pour ma part, hein, c'est ce texte. Si c'est moi qui l'écrivais, j'aurais du mal à le. Ça dure longtemps de faire un court-métrage. Ouais. De dire au bout d'un an, je le valide encore, j'aurais envie de le changer. Quoi. Donc, t'as vu, difficile. Ça évolue en fait. Oui, ça évolue de toute façon. Ouais. Mais c'est dur. Peut-être que s'il y a des engagements, c'est pour ça, il y a des tas de gens, c'était Fellini qui en parlait, qui disait, mais moi je suis un créateur, mais en fait je travaille que si j'ai le deadline. Si on me dit que, tiens, je te donne de l'argent, et puis tu as tant de temps pour le terminer, ben là, il fait le film. Mais s'il avait, je sais pas, tout son temps, et puis de l'argent de côté, mais il n'aurait jamais fait ce film. Il s'en fout. Il lui fallait ce deadline. Oui, c'est ça. Donc, une espèce de pression, quoi. Je le fais parce que je suis obligé. Voilà. Je pense que ce qu'on rend compte, je crois que c'est l'une des premières fois, il y a deux choses qui m'ont marqué quand on connaît un petit peu évidemment le travail des décorateurs, des coloristes, etc. Mais on l'a pas des fois forcément en face des yeux. C'était votre rencontre quand je vous avais vu à Fontevraud et là j'oublie son nom et j'en suis désolé, qui est une personne qui travaille, qui est la coloriste de Johan Sfar, qui est aussi, je sais, la femme de Brigitte. C'est ça, des Mustronheim, non, c'est ça. Ah, non, oui. Non, c'est pas elle. Je suis absolument désolé, mais que, je sais qu'elle est la coloriste, c'est Brigitte. Mais alors, je suis nul en Brigitte Findakli. Quand c'est pas. Donc désolé. Là, vous pouvez, comme on l'a dit, vous pouvez arrêter l'émission si vous n'êtes pas en direct. Et vérifier. Puis vérifier. voilà. Et je l'ai vu au FICAM dans un festival. D'accord. Et me rendre à quel point, par exemple, elle disait, c'était drôle parce qu'elle disait qu'elle travaillait avec donc les Wistrondheim, donc et son mari, je sais pas. Oui, ben ça doit être ça. Et qu'il était. Voilà, mais oui. Et ils ont fait son histoire là récemment, le dernier Wistrondheim, et sur son histoire à elle. Et elle disait par contre, Johan Sfar l'a laissé libre énormément au niveau de la couleur, et que moi ça m'avait toujours ça m'a surpris, parce que c'est vrai qu'on se dit la couleur est tellement importante dans une BD comme ça, et surtout chez Sfar. Et elle dit moi il me dit ça ferait bien que ce soit dans des tons comme ça, dans les tons, mais qu'elle est complètement libre. Ça dépend, j'ai l'impression quand vous parlez des fois, quand qu'il y a cette liberté là que vous avez, la possibilité sur des longs, peut-être, je sais pas, pour des séries, mais pour les séries aussi. Pour les séries de pouvoir proposer quelque chose. Tu proposes, souvent tu proposes, après on en discute, et avec les réalisateurs, et puis ils te disent ce qu'ils en pensent. Par exemple, sur Persepolis, il y avait une partie en couleur, il fallait bien proposer quelque chose. Déterminer que ça soit rose ou bleu, faut bien le déterminer. Il n'y a pas de couleur dans la BD, donc après il fallait que ça marche avec le noir et blanc, puis que... Ce soit pas tout d'un coup. Oui, d'ailleurs, c'est un vrai problème, ça. En fait, on a vu qu'on s'est vachement spécialisé dans des adaptations de bandes dessinées, ou en tout cas de dessins dont la ligne est visible à l'écran. Donc, ça pose plein de problèmes, d'ailleurs, quand c'est des décors, c'est que dès qu'il y a du trait, on peut pas zoomer à l'infini sur un décor comme ça, puisque le trait grossit, voilà. Et c'est pareil pour les personnages. Donc il y a une. Mais aussi pour la couleur, faut réussir à faire se marier le trait et la couleur. Et si en plus il y a des aplats noirs, c'est pas évident. Voilà. Devient plus comme de la colorisation de films noir et blanc, tu vois. Voilà. En fait, on passait par quelque chose un peu. De mixte. Faut trouver des compromis. C'est toujours un peu bâtard de faire ça parce que, effectivement, un dessin bien construit, bien dosé et en noir et blanc peut se suffire à lui-même. Et y mettre de la couleur, c'est toujours très difficile. D'ailleurs, peut être très vulgaire tout d'un coup. Ouais. Mais nous, c'est bien comme maintenant, on peut faire à la fois le trait et la couleur, puisqu'on a réussi à imposer cette méthode de travail. Ouais, c'est pas mal. On fait les deux aussi bien l'un que l'autre. Donc on peut travailler sur un décor, le commencer et l'autre le termine. Et c'est travailler sur une image complète. Et du coup, on peut... À un moment donné, parce que la couleur intervient, effacer du trait et donner plus de place à la couleur parce que finalement le trait n'a pas besoin d'être là à cet endroit-là. Chose qui est plus difficile quand on est simplement au trait ou simplement à la couleur, parce qu'il y a toujours une espèce de pudeur, de respect du travail des personnes qui sont passées avant, et de se dire merde, je vais lui saloper son travail, il va dire c'est merde, j'ai donné tellement d'informations et là tu m'as tout enlevé, mais nous on peut se le permettre parce que voilà on intervient sur l'image finale, donc peu importe l'enjeu, c'est il faut que l'image soit belle à la fin. C'est important comme ça d'avoir réussi à créer finalement presque deux, mais presque un poste comme ça, presque, je sais pas si idéal est le terme, en tout cas voilà, de toute façon les deux postes les deux postes existent donc là le fait de pouvoir ça veut dire dans une production il y a le trait et la couleur, depuis la nuit des temps, maintenant ça a été vraiment divisé comme ça, mais dans le temps, enfin, quand on travaillait traditionnellement, il n'y avait pas vraiment ça, parce qu'en fait c'était les gens du layout, donc tous les gens qui mettaient au cadre le storyboard. Et après, c'était la personne qui était chef déco, qui s'occupait d'avoir un style graphique et de donner une espèce d'unité de style. Couleur et traits, quoi, en fait, ou pas traits, à l'ensemble. Ouais, c'était. C'est pour ça, il y a des séries que je voyais récemment où la solution finale, c'est quand même d'enlever le trait. Finalement, ça a généré un style nouveau, mais la raison première, c'est que justement, parce qu'il y avait trop de gens avec des styles graphiques différents, la seule manière de pouvoir unifier tout ça, c'est d'enlever le trait. Donc ça a généré des fois des styles particuliers et plus forts, mais voilà. Comment réussir à tenter d'avoir l'équilibre entre une envie plus de peinture, comme on disait au début, puis un besoin technique évident en long métrage. Les deux sont techniques. En long métrage, oui. Voilà. Mais en série, c'est la même chose. Parce qu'en fait, la technique est la même. Comme vous ne pouvez pas être court métrage, il y a peut-être un peu plus de... Travaille des fois sur des cours aussi. Possibilité, Sur le film de Sandrine, on a travaillé. Puis même, on a travaillé à la SAVEC là, sur des films institutionnels. Oui, c'était pareil, c'était un peu comme du court métrage. C'était où on travaillait. C'était sur. L'intouchable. L'intouchable ou la série là. Ah oui, les conquérants. Les conquérants. Où en fait, du coup, c'est moi qui travaillais sur les décors et qui faisais de l'animation à cette époque-là. De l'assistana d'anime. Assistana, oui. Avec des cadences. Et en fait, moi, du coup, je faisais tous les décors. Donc, c'est vrai que mon style a un petit peu évolué parce qu'il y avait 6 épisodes, je crois. Et je travaillais à la térébenthine, au coton, et avec des craies. Et c'était super beau, quoi. Ah, c'est super. En fait, je travaille sur un papier très fin. Magnifique. Un papier bulle. C'est les plus beaux décors. Ouais. Vous continuez à travailler comme ça, parce que maintenant, évidemment, il y a Photoshop, des choses comme ça. Non, mais ouais. Et en fait, les aventuriers, c'était super. Voilà. On était tellement contents. Mais là, je veux dire, on était payés au Oscar. Et puis, Ernest et Célestine aussi, on a fait beaucoup de, de tradis, quoi. Est-ce que finalement d'être payé au lance-pierre aussi, au moins ça peut permettre d'avoir une peut-être plus grande liberté Toute relative, parce que c'était la liberté que donnait la réalisatrice qui voulait ça, sa liberté à elle en fait. Voilà. Mais ça tombait bien parce que ça allait dans notre sens aussi. Ouais. Et puis bon, si elle a pensé à nous, c'est qu'il y avait quelque chose de toute façon. Donc oui, puis il y a eu des rencontres. Il y avait Serge qu'on connaissait bien. Heureusement qu'il y a. C'est grâce à Serge. Oui, enfin, c'est Serge qui a. Sinon, on n'aurait pas rencontré Amélie, ouais. puisqu'elle ne connaissait pas, oui, en fait. Donc pas Serge et Isald, on le connaissait. C'est aux rencontres à la Bellevilloise, en fait. Oui, que tout s'est passé. Ouais, sur le film d'Amélie, et en fait, qu'on a adoré. C'est marrant, les rencontres, voilà. Ouais. Voilà comment les rencontres peuvent se passer. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois, et encore une fois, sans, l'idée n'est pas du tout de lancer des noms, mais est-ce qu'il y a des rencontres qui ne se font pas ? Est-ce qu'il y a des projets où vous dites oh, ah, oui, wow, oui. ça c'est un beau projet, et oui. puis finalement, vous rentrez le, je sais pas, le réalisateur, le producteur, oui, et vous dites bah non, finalement. Ah, y a des gens qui nous ont proposé des choses, et puis c'est pas. Voilà, ça n'a pas été financé. Bah, on a travaillé sur des recherches pendant 4 mois. Tu parles il y avait de... le dessin de Fabrice. Ah oui, ben, c'était super, c'était un dessin. Dans les grands magasins, c'était, c'était un Valérie dessin. Qui... C'est toujours un film dans les. Dans les tuyaux, ouais. Je sais pas où ça en est. Mais c'était pour Prima Linéa, en fait. Ouais. Okay. C'est les Carasquettes aux dernières nouvelles ouais. qui avaient pris le projet est, en main. Et du coup, c'était Fabrice Fouquette qui faisait le dessin au stylo bille. Et nous, en fait, il fallait qu'on trouve un moyen d'adapter... Ouais, il a fait ses dessins dans un petit carnet, ouais. donc il y avait une histoire de format. Ses dessins ont plu au producteur. Et donc, quand un jour, ils ont validé ça comme étant le style à adapter. Donc, il restait maintenant de... Parce qu'un décor, c'est pas... Enfin, ce qu'on peut faire sur une petite surface comme ça, c'est pas la même chose que... Enfin, un décor, c'est plus l'écran, grand. Quoi, donc, ouais. Faut trouver la bonne grosseur de trait, etc. Enfin, donc après, avec Fabrice, on s'était mis d'accord pour travailler les décors à l'aquarelle et au trait, je sais plus avec au crayon, et on le scannait. On le scannait, ouais. C'était au crayon ou c'était directement sur informatique, je sais plus. Non, c'était au crayon. Ben oui, sur papier. Ouais. Je me souviens même plus comment. Et puis après, on a assemblé les deux, enfin comme on oui, avait oui. comme travaillé. Pour un, puis et puis puis après ça a capoté. Ça a capoté. En fait, on a fait un pilote, mais c'était très très étrange parce que quand même, c'est un studio réputé quand même. Ils ont fait plein de ouais. choses superbes, par du noir, des tas de choses. Mm-hmm. Mais là, j'avais l'impression que sur ce projet, c'est comme si on redémarrait tout à zéro avec des erreurs incroyables. Par exemple. Les animateurs étaient tout d'un coup maîtres d'œuvre de créer eux-mêmes leur propre modèle. Turnaround, ouais. Alors que bon, c'était ces bizarre. Choses-là doivent se faire par une seule personne pour ouais. justement créer c'était une unicité. Ouais. Et là, chacun faisait ouais. son modèle. J'étais outré de voir. Ouais. voilà, comment on pouvait faire. C'était intéressant parce qu'il y avait matière à chercher des choses. Oui, mais pas bon. Mais en fait, c'est les producteurs du coup. On nous avait présenté. Pouvaient changer d'avis en fait. En plus, on nous avait présenté ça comme étant d'une grande liberté, c'est-à-dire qu'on était dans la recherche et. Ouais. Très très vite, au bout d'une semaine ou deux. Il voulait des images. En fait, ouais. il voulait le pilote. Ouais. Il voulait un pilote en très peu de temps. Donc, il fallait être beaucoup plus carré. Enfin, voilà. C'est ce qui est étonnant, sociétés, oui, qui font de l'animation et qui devraient connaître normalement. Bah, ils connaissent tous ces processus. Mais je pense qu'ils marchaient un peu sur des œufs parce que c'était avec Valérie Lemercier qu'on ne voyait pas parce qu'elle était sur un autre film. Et qui avait et finalement est venue tout peur, à la fin et quand elle a vu ce qu'on avait fait, elle a dit bon non j'aime pas et puis le réalisateur je le vire et puis voilà. Ouais, en fait, bah tu vois voilà c'est on a eu des donc, voilà, un cas comme ça en fait, comme expérience mais ou sinon le on a cette problématique là de gens qui quand même on en parle un peu comprennent vraiment pas le processus de l'animation et qui d'un seul coup peuvent se dire. Là, par exemple, ben, vous avez travaillé pendant des mois et puis se dire, oh ben non, c'est pas assez payé, joli. Alors on a été payé quand même. Oui, oui. Voilà, oui. Ils étaient corrects. Ça a été très correct. Très, ouais. voilà. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Bah, ça file un coup un peu oui, c'est ça, au moral. Un peu dur quand même. Ouais, voilà, t'es juste pendant un moment désappointé. En général, on fonce sur un autre truc. Chaque fois que ça nous est arrivé, puisque ça arrivait deux fois du coup, puisque les aventuriers de l'art moderne, ça s'est un peu fini en queue ouais. de poisson, quoi. Ouais. Ou en dents de scie, je sais pas. Mais voilà quoi, bah, après, et donc, il faut repartir sur autre chose. Juste tourner la page et tu passes à autre chose parce que. Pff. Voilà. Et c'est vrai que les projets ensuite, comme Folivari, il s'est. C'est passé après Ernest et Célestine, il s'est passé quand même des années avant de retrouver la même famille. Mais je me souviens, ça c'était adorable. Je me souviens quand on était à la fin de la prod, en fait, des 9 mois qu'on a passé avec tout le staff, parce qu'on travaillait tous sur le bassin de la Villette, là, dans la maison des canaux. Et c'était vraiment, c'était comme une grosse famille. Et je me souviens quand les derniers jours, je me souviens de Benjamin et Patrick, ils étaient là, ils disaient, ça serait chouette qu'on refasse un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. que tout ce potentiel qu'on puisse le rentabiliser, ouais. L'optimiser à nouveau. Et ben, ça s'est fait, avec le grand méchant. Sur le grand méchant. Et bah, parfait. Ils m'ont fait ma transition, comme quoi ils sont parfaits. On va faire une petite pause musicale et puis on va revenir pour parler justement de cette aventure. Allez, on va aller, alors. Je sais qu'il y en a au moins deux qui ont un numéro 7, donc je vais te dire, Nicolas, pour pas, voilà. C'est Raphaël Sadiq. Goodman, pourquoi? C'est pour rendre hommage à, sûrement, en tout cas pour moi, l'un des événements qu'il y a eu cet été à la télé américaine, mais française aussi. C'était la 3e saison de Twin Peaks et David Lynch a tout simplement réussi quelque chose. Je pense que, en tout cas, on était beaucoup à douter de la possibilité de Lynch, pourtant grand réalisateur, mais qui avait plus tourné depuis longtemps. Et là, cette 3e saison, à mon avis, notamment un 8e épisode en noir et blanc, avec qui parle où il y a beaucoup d'images de la bombe atomique, qui est sur, enfin, il y a Penderecki en musique, enfin quelque chose d'assez hallucinant, et qu'un 8e, comme je dis, normalement on devrait plus faire de la série en prise de vue continue pareil après ce 8e épisode. C'est vraiment une espèce, voilà, c'est cette saison 3 de Twin Peaks, c'était assez étonnante, et il a fait quelque chose qui est intéressant. C'est quasiment à chaque épisode il y a un morceau de musique. On sait qu'il adore la musique, lui-même en fait, et donc voilà. Et donc dans un des épisodes, il y a Raphaël Sadiq, Goodman. On écoute ça et on revient tout de suite. Voilà, donc c'était Raphaël Sadiq, Goodman, donc de la troisième saison de Twin Peaks, et bien sûr, pour en commencer ce petit moment sur Folivari, on va pas mettre, parce que vous connaissez tous, puis après tout c'est plus récent, on va pas mettre, j'avais pris Ernest et Célestine, on va prendre le grand méchant renard, donc c'est la 9. Merci. Les spectateurs sont là, dépêchez-vous. Attends, je suis pas prêt. Bonjour, cher public. Nous allons ce soir vous interpréter trois pièces. Mesdames, messieurs, voici le grand méchant renard. Ah non, c'est la troisième fois cette semaine. Ça suffit. Non, mais c'est parce que j'ai faim, en fait. Je m'en fiche. Pourtant, j'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire? Mais tu sais, le truc que tu fais, là. Ah, ça. C'est ça. À table. Oh, comment ça, maman? Non, mais je suis pas une poule. Vous êtes des poussins. Vous devez avoir peur de moi. C'est quoi ce cri, maman? Monsieur Lou est un peu colère. Oh, mais tais-toi. Tu vois pas que j'essaie de te sauver la vie? Bon, ben, j'aurais essayé. Vos poussins ont tenté de mordre certains de leurs petits camarades. Ils ont essayé de dévorer Michel. Bonjour, madame. Et si à partir de maintenant, on devenait des adultes responsables? Ouais, enfin, il tombe surtout. Fini les jeux idiots, les gamineries. Maman va casser la figure au vilain monsieur. C'était bien? Excellent. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Michel, est-ce que quelqu'un peut récupérer Michel? Je m'en occupe si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout. Non mais ça va, hop là, regarde, oh, il est parti. Donc le grand méchant renard, si vous l'avez pas vu, foncez le voir, c'est vraiment très très drôle, mais vraiment, c'est... Alors, moi je suis un peu moins fan du troisième segment sur le Père Noël, mais les deux premiers sont super bien, et puis non, le troisième est vraiment drôle aussi. Enfin voilà, le timing est incroyable, les dialogues sont drôles, vraiment, c'est voilà, j'ai même un peu une... peut-être une préférence au Grand Méchant Renard par rapport à Ernest et Célestine, qui n'ont rien à voir. Ah c'est oui. Deux cinémas qui n'ont rien à voir, mais j'avoue que c'est, voilà, c'est peut-être quelque chose. Vous vous rappelez la première rencontre avec, c'était quoi? C'était Didier Brunner, c'était Benjamin Reiner, c'était, comment c'est passé pour le grand? Pour la rencontre avec. Alors, c'est bah en fait, c'est les deux qu'on a rencontrés en même temps. Alors, on avait quand même travaillé déjà avec Didier il y a longtemps sur Les Chats de Steinlen. Oui. Ok. Il y avait une société vraiment super. Qui s'appelait pas encore oui, non, pas les Armateurs. Ouais. C'était oui, juste avant. C'était Trans-Europe Film. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et donc Benjamin le connaissait pas du tout. Et c'était super. Il était adorable. À la rencontre, c'est adorable quoi. Ouais. Quand t'as un gars comme ça qui est vraiment qui dit oh, j'aimerais travailler avec vous et tout. Bon, et toi tu dis, ben oui, moi aussi. C'est-à-dire que ça se fait, ouais. C'était assez formidable, ouais. Ah ouais. Assez bon enfant et c'était chouette. On hésite quand même un peu par rapport à Gabriel Vince, enfin, par rapport à ce que tu disais quand vous êtes arrivé, voilà, de découvrir les BD, les bah, illustrations, tu dis, est-ce etc. que je serais à la hauteur? Ouais, ouais. Oui, c'est sûr, ça, ouais, quand ça, même. Ça se pose, ouais. Il y a un enjeu artistique quoi. Ouais, moi j'avais peur au début parce qu'on était là avec à la plume dessiné et puis fallait vraiment les premiers dessins, je me rappelle, c'était un peu gauche quoi. Faut vraiment trouver cette énergie quoi, ouais. Qu'elle a. Puis tu fais des pages en fait. Ouais. Mais en fait, on a fait des pages. Mais il y a quand même un problème qui se pose, qui est celui de, en fait, des dessins d'illustration ou même pour la BD, c'est pareil. Il y a moins d'exigences, on va dire, que dans les dessins animés où on doit se préoccuper de proportions, de plein de choses qui doivent cohabiter avec les personnages. Et voilà, ça, en fait, ça se voit plus que sur une image où finalement c'est la même personne qui fait tout, qui va faire les personnages comme le décor. Et que si le personnage est un peu trop petit, il y aura des choses qui vont être un peu déformées dans le décor, qui va faire que l'image globale va être jolie. Nous, on n'a jamais ça. Les personnages sont faits par des personnes différentes. Et nous, et tout ça doit cohabiter, et donc il y a une sorte de formalisme qui s'opère, et c'est très difficile de trouver une sorte de subtilité qui va faire que ça reste quand même léger, naïf des fois, pour garder l'essence du dessin de Gabriel Vincent, mais tout en étant un peu plus construit. Voilà. On a eu la chance, pour ceux qui ont eu la chance, on a eu la chance de vous avoir pendant deux heures lors du dernier Piaf, avec plein d'images. Comment on fait pour... le dialogue se passe comment avec le réalisateur Comment ça se passe c'est très précis. C'est vrai qu'avec Benjamin, en fait, il y a un moment, voilà, il avait fait... En fait, comme il n'avait pas envie de faire des décors, donc il dessinait les personnages et il demandait de créer l'univers autour en disant, ouais. Ben voilà, mais il disait quand même, ouais. Voilà, il induisait à quel même, endroit voilà. C'est, ouais, ça allait être. Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait que le scénario. Donc, Benjamin avait fait peut-être déjà un pré-story. Assez succinct de certaines séquences quoi. C'est ça et c'était vraiment sympa ce truc en fait on se disait faudrait qu'on refasse ça une fois parce que c'était tellement jouissif en fait de découvrir ce qu'on avait fait autour et nous de créer l'environnement en fait de la position de son personnage il l'avait mis en place quoi donc il y avait déjà une perse en fait du coup qu'il avait induite dans la position du personnage. Quoi. De deux personnages qu'il va mettre, donc on sait que dans l'espace, voilà, il va aller de là à là, donc on voit à peu près que, dans quelle perspective on... En fait, on s'était dit, parce qu'il y a un moment, Daniel Pénac a ressorti un bouquin, tu sais, d'Ernest, et on s'était dit qu'il faudrait qu'on refasse ça avec Benjamin, c'est-à-dire que lui refasse les personnages et nous, on fasse les décors. Et en fait, ça ne s'est pas fait pour des raisons de... de droit, enfin je sais plus quoi, enfin. Il y a des images que nous a montrées qui étaient parce que donc il y a Benjamin Renner et le réalisateur, mais il y a deux co-réalisateurs qui sont Patard et Aubier. Et des fois vous avez montré quelques images de Patard et Aubier où on est dans un style complètement différent. Bah quand on connaît un peu le monde de Patard et Aubier, voilà c'est. Les pic-pic André, en fait. Comment on travaille avec ça aussi, c'est pareil, de façon, c'est plus pour le positionnement. Et après, de toute façon, c'est une base c'était en fait, tellement pour vous bien. De partir sur... Mais ouais, parce que c'était chouette aussi, c'est en même base, temps, cette fraîcheur qu'ils amenaient, et ce contraste qu'ils amenaient avec... Et là, c'est pareil, on garde quand même les intentions, elles sont là, mais on les calme par la restitution du vrai style de Gabriel Vincent. Mais il y a des intentions qui sont là et qui sont chouettes et qu'on essaie de conserver. Après, ça va être plus des mises dans l'espace, enfin des mises en place dans l'espace, quoi, qui vont faire, qui ce sera des choses un peu aberrantes comme le camion, la distance du camion avec la ville. Voilà. Enfin, ils ont fait une pente qu'on n'aurait pas fait, je pense. Mais ils ont initié à ce point. La vue en coupe. Oui, c'est qui vrai, est la vue en coupe, façon BD, quoi, parce du que c'est la dessous. Meilleure manière de montrer le parallèle entre le monde du dessous et le monde du dessus. Ouais. Et finalement, il n'y avait pas autre. Enfin, si on voulait être dans l'économie, tu ne pouvais pas être plus économique que de faire un truc frontal, quoi, comme ça, une vue en coupe. Voilà. Et c'est eux qui l'ont initié, c'est ça. Eux qui et Benjamin l'a conservé parce que ça lui allait. En plus, dans la narration de Daniel Pénac, en fait, je trouve que ça marchait bien parce que. Tu sais, il renvoyait toujours comme une espèce de... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle dans la narration. De renvoyer, enfin de répéter, tu sais, toujours. Et dans le monde du dessus, il se passe ça. Oui, et dans oui, le monde du dessous, oui, il se renvoie. Ouais. Ouais, ouais. Mais d'une certaine manière, ce type de décor, c'est pas sans rappeler aussi des décors qu'on pouvait voir dans les films muets, style Chaplin, Buster Keaton, où t'as justement... Parce que c'est des simplifications de narratives qui visuellement, c'est fort. Oui, c'est très fort. Ouais. Ouais. On dit oui de suite quand on passe à la série ou alors vous hésitez parce que je sais que Benjamin Drenner voulait pas forcément. Oui. Lui, c'est un long métrage. Ouais. Je passe pas. On hésite ou non? Vous dites après non, tout. On n'a pas hésité. Ouais. Parce qu'en fait, ce style finalement. On l'aimait bien. On n'avait pas envie d'en sortir. On s'en est fait le nôtre d'une certaine manière. Donc maintenant, c'était une écriture qu'on connaissait bien. Et le fait de, en plus, c'était intéressant parce que, en fait, dans le long, On s'est servi du style de Gabriel Vincent, mais finalement c'est vachement, il y a tellement de lieux mais qui n'ont rien à voir avec ce que Gabriel Vincent aurait pu dessiner, parce que c'était d'ailleurs par exemple le monde du dessous, on s'est battu pour conserver des maisons qui ressemblent à ce qu'elle aurait pu faire ailleurs, on s'est inspiré des maisons du sud de la France, etc. Et puis du sud de la France, voilà. Aussi, parce que c'est vrai qu'on avait, oui, rencontré une amie de Gabriel Vincent, en fait, qui était enfant quand Gabriel Vincent, et qu'elle dessinait. Voilà. Et souvent, ils allaient en vacances dans le sud de la France. Elle nous rendre, ouais, visite, c'était trop chouette. Oui, c'était super charmant. Rencontre. Elle est graphiste, d'ailleurs, ouais, cette, oui, femme. C'est important d'inclure, je sais que vous avez, il y a des choses dans les décors qui viennent de la maison de Gabriel Vincent, oui, la manière, oui, dont elle met ses pinceaux, oui, etc. C'est très important. C'est super important. Ouais, pour nous, c'était important, en fait. C'est des clins d'œil, mais au-delà du clin d'œil... J'ai l'impression que c'est plus que des clins d'œil, oui, non, ouais. C'était vraiment... tu l'as fait, ouais, vivre, enfin, je sais pas, ouais, c'est... Ouais. Quand même, elle nous a épatés par son, ouais, travail, donc on avait envie... qu'elle vive au travers de ce qu'on a fait. Et puis j'ai l'impression que cette idée de partir, encore une fois, je reviens là-dessus, du réel, il y a notamment, vous parlez dans Le Grand Méchant Renard, à un moment donné, où on est dans la ferme, et puis il y a une baignoire, et puis il y a tout un... Ouais. En fait, ça vient d'une vraie photo. Prise, non, c'était... En fait, la baignoire, non, c'était... Non, ça n'existe pas, mais c'est des... Bah, c'est des dessins, ou en tout cas, en fait, disiez, tu sais, c'est ce que tu as en tête quand, voilà, tu es enfant, ça, quand tu passes dans les villages en voiture, toi, tu es derrière, il y a les parents devant, puis tu regardes, puis tu vois plein de baignoires qui tournent dans les champs, puis tu te dis, mais c'est quoi, c'est surtout rigolo, c'est de s'imaginer, bon, c'est des baignoires bien blanches, bien propres, et tout ça, donc c'est le symbole de la propreté, et c'est là, dans des flaques de boue, avec des cochons à côté, c'est ça qui nous parle, que... On s'imaginait des trucs, parce que quand t'es gamin, tu te racontes des histoires autour de ça, tu te dis, mais alors ils se baignent là-dedans, qu'est-ce qu'ils font, c'est ça, c'est les paysans, ils se lavent. Ouais, ou les vaches et tout, qui se passent la brosse à reluire. C'était rigolo de montrer ça, oui. Ouais, c'est venu vraiment tout de suite d'avoir des objets un peu insolites, qui sont dans les paysages français, et tout le temps. Et qu'on voit même plus, qu'on se rend même plus compte, mais ouais, ça fait partie de notre univers franchouillard. Ouais. Vous disiez, c'est intéressant, parce que disons, à la fin d'Anna Célestine, et Patrick Imbert, et Benjamin Lannert, bon, ça serait bien quand même qu'on refasse quelque chose, on le refait. Est-ce que c'est intéressant d'être avec presque le noyau de la même équipe, ah ouais, c'est cool. Sur quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'il y a Ernest, oui, et Célestine dans le style de Gabriel Vincent, là on est dans le style de Benjamin Renner lui-même, est-ce que, ouais, c'est intéressant de... Il y a une filiation esthétique. Oui, c'est, oui, ça. Oui. Voilà. Il y avait de toute façon des choses qui avaient été mises en place, qui se prolongeaient, donc c'est différent parce que c'est une histoire, un univers différent. Et pourtant, mais Benjamin et Patrick mettent pas en scène de la même manière. Hmm. Benjamin est beaucoup plus théâtral et, ouais, et, ouais, plus frontal. Et alors que Patrick va être beaucoup plus en volume et à faire des plongées. Ouais. Il est même plus détaillé. Non, dans ce que vous montrez, on a l'impression que des fois Benjamin il essaie plus de choses un petit peu plus. Mais il est plus nature, je ouais, dirais. Enfin, ça, il va plus. C'est son histoire qu'il a ouais, mis en scène. Mais ça se passe dans la forêt, ouais, avec des, ouais, arbres. C'est encore une fois, il y a des automatismes qui sont agréables parce que d'un seul coup, il n'y a plus besoin de dire autant de choses. Il y a des compréhensions. Mmh. Alors entre vous deux, c'est une évidence, mais aussi avec les gens de l'équipe et de pas avoir à répéter des fois des choses ou quoi. C'est tout à fait. C'est, oui, agréable, c'est ça. Bien ouais, sûr. Vraiment. Oui, ouais. Ben, de, oui, de pas avoir. On se fait confiance. Ça c'est formidable. Mais il n'empêche que il y a quand même toujours des non-dits et des choses, ouais, où, ouais, on revient, on refait. On en parle, ouais, on dit tiens, moi j'aurais préféré ça, enfin voilà quoi. Et sur le, notamment sur le film, il y a eu des séquences entières qui ont été revues, refaites. Donc c'est, des fois c'est délicat parce qu'on est en pleine fabrication, donc nous on fait des décors, puis finalement ils ne vont pas servir parce qu'on refait. Bon, ben, ça s'est fait. Hein. Non, mais ça c'était normal parce que. Ben non, c'est pas totalement normal. Si, parce qu'en fait, quand il y avait l'idée, mais bon, voilà. Ouais, c'est la configuration en fait qui s'est fait en 3 épisodes, et après, ouais, il fallait faire les interstices, mmh, et qui fait que du coup, ils ont dû enlever des parties, donc pour la durée, le supermarché, ouais, et tout ça. Je disais, c'est agréable, mais je reprends le mot et je veux dire. Plus qu'agréable, est-ce que c'est important? Parce que comme tu disais tout à l'heure et comme on disait, c'est vrai que souvent l'animation, on a l'impression qu'on revient toujours à la base zéro, enfin qu'il y a des fois, alors sauf des fois en série, parce que il faut aller plus vite, il y a des cadences, on est obligé, mais des fois j'ai l'impression qu'on réinvente presque la roue à chaque fois, alors que pourtant il y a des choses qu'on sait. Mais ouais. Alors que là, le fonctionnement, donc, quoi. Donc effectivement, là, c'est génial. Quand on bosse avec les mêmes personnes, ben, on n'a plus besoin de faire. Et au contraire, c'est presque les erreurs qu'on a pu faire, on ne les refait plus. Donc ça, c'est formidable, bien sûr. Et c'est vrai que. Oui, comme on disait sur les primalinéas, d'être capable de refaire des, enfin de redémarrer sur des erreurs alors qu'il y a quand même un passif. Oui, qui existe. Et en fait, non, parce que ben, comme c'est d'autres gens et c'est qui redémarrent une nouvelle prod, voilà. qui voient les choses différemment. Et donc ça peut redémarrer. Encore et toujours à zéro. C'est aussi ça qui fait que c'est chouette de passer d'un monde à un autre, quoi, parce que chaque fois, c'est encore une nouvelle aventure. Quoi. Mais ce qui est chouette, oui, c'est cette confiance qu'on a établie, et là, c'est ça. Voilà, quoi. On peut aller plus vite, plus loin. Ouais. Et vous n'avez pas envie de créer une série, un film avec vos propres. Alors, on a déjà des petites histoires qu'on avait. Il faut écrire. Faut d'abord écrire. En fait, juste le fait qu'on en parle, qu'on commence à écrire et développer des trucs tous les deux, après, quelque part, ça nous suffit presque d'avoir fait ça, tu sais. Et tu sais, en fait, moi, j'avais une histoire là avec ma tante. En fait, je faisais des cauchemars parce qu'elle est décédée dans des conditions un peu bizarres. Et à partir du moment. Je m'étais dit, je vais raconter son histoire. Ça sera le meilleur moyen de me la sortir de ma tête. Faut le faire en BD, quoi. Rien que le fait d'avoir posé des questions à toutes les personnes qui l'ont connue et tout, c'est-à-dire j'ai rassemblé tous les éléments, bah quelque part, ça y est, les cauchemars, c'est fini. Et voilà, je me sens libérée et tout, puis je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le mettre en scène? Bon, peut-être pas, après... Oui, c'était suffisant pour c'est sorti. Et finalement, ce que les gens comprennent peu, parce qu'en plus en France, on a toujours ce problème évidemment du réalisateur et de la réalisatrice roi ou reine, on va dire, alors qu'évidemment, comme vous disiez, c'est un travail d'équipe, et que finalement, d'être au service, mais dans le bon sens du terme, d'un réalisateur, d'un film, d'une série, c'est quelque chose qui vous satisfait finalement. Ah bah ouais. Carrément, c'est plutôt chouette. En plus, à des postes pareils, parce que notre travail se voit vraiment. Donc, c'est chouette. En plus, oui, ça fait partie des par exemple, on a développé pour Folivari un projet de long métrage. Et donc, ils ont fait appel à nous. On a dû développer en un minimum de temps. Je ne sais plus combien, on avait 10 jours. Et on a dû faire énormément d'illustrations sur faire un, en plus c'était sur New York, un dossier pour le CNC, donc c'était riche en décors. Fallait faire ces décors très très vite, et pour obtenir le CNC qu'on a obtenu, donc très bien. Mais voilà quoi, c'est en fait les décors, ça sert à ça aussi. Donc ça sert à, d'un seul coup, ça donne vie finalement. Ça parle à tout le monde. Du coup, on plaçait les personnages qu'avait fait Marietta, Rennes. Oui. Et tout d'un coup, ça prend vie. C'est ça, ça existe du déjà. Coup, elle a refait des poses pour bien coller au décor, et puis voilà. Enfin, c'était des illustrations du coup. Tu vois. Pour un projet, on envoie rarement une musique ou je sais pas ou des non, c'est un dessin qu'on. La première chose qu'on montre, c'est un dessin. Effectivement, on dit, ça va ressembler à ça, peut-être. Donc, c'est chouette de participer à ça. Oui, c'est agréable. À côté de ça, il y a toujours l'importance de peindre. Il y a le blog, encore une fois, il y a un lien, il suffit de taper, etc. On tombe sur le blog, il y a plein de peintures, il y a plein de croquis. Fait à droite, à gauche, en vacances, etc. Ça, c'est toujours important de garder ce plaisir-là. Ben en fait, on a rencontré une amie, Christine Rethel, qui fait de la peinture. Et en fait, elle nous a initiés à faire des portraits, à s'auto-portraitiser. Et c'est drôlement chouette parce que... En un quart d'heure. Donc voilà, c'est temps. Très, très rapide. Et c'est un vrai travail de... Je sais pas, c'est... Un vrai entraînement, en fait, et ça, on le fait à l'acrylique. Bon, c'est aussi des moments partagés, très chouettes, conviviaux. Mais en plus, ça nous entraîne à trouver des solutions graphiques qui vont, qui nous... Et avoir la forme aussi du personnage très rapidement. Oui, du coup, on dessine les persos au lieu de dessiner des décors. Et pas au trait. Par contre, là, c'est vraiment au pinceau... C'est en valeur, quoi. Joanna Quinn, donc grande réalisatrice anglaise, disait que elle, quand elle rentrait dans un endroit, elle regardait quelqu'un, elle essayait de bien le regarder, puis après elle ne le regardait plus, puis elle le dessinait très rapidement en essayant de se dire c'est quoi C'est marrant. En fait, je faisais ça dans le métro aussi. C'est-à-dire, dans le métro, tu n'oses pas prendre ton crayon parce que tu te dis la personne va voir que. Ouais. Alors, tu l'as fait mentalement dans ta tête, comme ça. Après, tu rouvres les yeux, tu regardes la main parce que t'as mal vu comment était posée la main. Puis après, tu te mets vite sur le quai, puis hop, tu la croques vite fait. Il y avait des peintres, style Degas et autres, qui faisaient comme ça aussi. En fait, ils peignaient tous en atelier, mais ils prenaient leurs notes très vite sur place. Ouais. Et après, il fallait restituer ça. Avec Sandrine, on a fait ça dans les... Dans les cafés où les gens ils passaient, comme ça on voyait les gens passer, ils allaient trop vite, ils bougeaient trop. Mais il fallait qu'on chope un mouvement, quoi, qu'on fixe un mouvement. Quoi. On revient à cette idée évidemment d'observation absolument fondamentale en fait dans votre travail quand même. C'est, les gens sont. Moi je suis toujours épaté en tant que prof, on va dire que c'est pas dessiné, de voir des élèves, je trouve des fois dessiné. À dessiner tout le temps. On a l'impression qu'ils choisissent pas forcément les choses qu'ils dessinent. C'est sûrement une impression peut-être fausse, mais j'ai l'impression qu'on va si, l'emmener. Ça peut être le cas. Ouais. Moi, je m'étais obligé un jour à dessiner un. C'était quoi ? C'était dans les années 80. Il y avait une espèce d'abri constitué de tubes pour les journaux, là, des abris de vendeurs de journaux. Super moderne, donc absolument laid. Et je me suis dit, ben voilà, mais en le dessinant, ça va le devenir beau. Parce que le dessin a cette faculté de transcender les choses, parce qu'on peut lui donner un intérêt. Puis tu t'appropries aussi, c'est Zep aussi qui disait ça, tu t'appropries en même temps quand tu dessines, tu t'appropries les choses de la vie, quoi. Enfin, Je savais qu'on aurait pu. Quand je suis content de les avoir, quand j'ai voulu les inviter au PIAF, ils m'ont dit non, on n'y arrive pas, etc. On a fait 2 heures. Et là, je me suis dit, je vais quand même prévoir autre chose au cas où. Et en fait, il nous reste plus que 10 minutes. On a réussi à faire plus d'1h40 ensemble sans aucun problème. Et on aurait pu encore dire énormément plus de choses que ça. Donc, je suis vraiment ravi de les avoir. On va faire une dernière pause musicale. On va revenir en arrière. On va prendre la 6 qui est. Alors, tu viens de dire, il y en a plein de 6. C'est Muddy Magnolia's American Woman Audio. Il y en a 2, tu sais. Il y en a un, c'est un remix de Lynch. Et l'autre, c'est l'audio toute bête. On va prendre l'audio. Tu la vois ? Merci, Nicolas. Do I look like the stepping fetch type? American Woman. Et voilà, c'était toujours Twin Peaks, la saison 3, Muddy Magnolia's American Woman. Pour finir, j'aimerais juste faire j'aimerais vous dire une petite chose avant qu'on finisse avec mes deux invités. Vous savez que sur les réseaux sociaux, on a eu récemment, il y a 2-3 jours, quelque chose où il fallait mettre pour les femmes qui avaient été victimes d'agressions ou en tout cas d'harcèlement sexuel, il fallait mettre moi aussi. Et on s'est beaucoup dit, bon, des fois, est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. On se rend compte qu'il y a une nouvelle génération qui a besoin de ça et que les réseaux sociaux peuvent servir à ça et que c'est important. J'avoue que la première fois où j'avais fait un petit article sur The Web Anime, au début je voulais pas faire d'article en disant, parce qu'il y a un Tumblr pour dénoncer, je me dis bon, ce sera un peu difficile la dénonciation, etc., etc. Et en fait je me suis rendu compte que certaines personnes dans l'animation disaient mais nous dans l'animation il y a des gens comme ça, mais comment c'est possible? Et en fait, je me suis rendu compte que oui, non, c'est pas parce qu'on, certains, on peut dessiner des choses, ou en tout cas, les gens peuvent dessiner des jolies choses, et puis être dans un monde, des fois. Bien évidemment, il y a des choses. Il y a des histoires qu'on connaît. Alors, je sais que pour une femme, et je me doute, pour n'importe qui, mais notamment une femme, ça doit être compliqué, évidemment, d'aller jusqu'à dire ces histoires-là, et de passer le cap. Maintenant, je le ferai pas, évidemment, à ce micro, parce que ce n'est pas je veux bien que ce soit mon rôle. Il y a des gens qui travaillent encore dans l'animation, qu'on connaît, qui sont connus, et qui ont fait des choses, qui ont été très très loin et qui ont été très graves. Le micro de Bulle de Rêve est évidemment ouvert par rapport à ça, j'ai déjà dit aux gens. Je pense que c'est suffisamment grave, suffisamment important pour qu'on puisse dénoncer les gens, ou en tout cas commencer à parler évidemment de ce genre de choses. C'est absolument fondamental. Donc oui, dans l'animation, c'est pas parce qu'on fait encore une fois des jolies choses et que c'est beau qu'il n'y a pas des gens comme ça. Hier, on le sait, ou avant-hier, quelqu'un aux États-Unis, sont beaucoup plus forts que nous pour ça. On peut critiquer beaucoup de choses, mais l'un des créateurs d'une série phare de Nickelodeon a été viré de Nickelodeon, de son studio aussi, parce qu'il avait été accusé d'harcèlement sexuel par des femmes. Et c'est vrai qu'on a du mal en France, mais encore une fois, je comprends, c'est compliqué, c'est dur à dire, mais je pense que c'est absolument fondamental qu'on y arrive au-delà, voilà, il y a des choses qui se passent, et donc c'est important de le dire. Donc, moi, ça fait des années que je profite là de ce qui s'est passé. Ça fait des années que je dis, il faut dénoncer, en tout cas il faut réfléchir à comment faire que ces gens-là ne travaillent plus. Encore une fois, il y a des noms. Moi je sais que c'est des gens que je refuse par exemple d'interviewer, vous les aurez évidemment jamais à ce micro-là et ce genre de choses. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, et surtout il faut aller jusqu'au bout ce genre de choses. Si les choses doivent changer, c'est aussi en prenant des fois des responsabilités, même si elles sont très compliquées, et bien évidemment Bulle de Rêve prendra si jamais il y a besoin ses responsabilités. Là. Voilà, ça c'était important évidemment à dire. Je voudrais vous remercier. On va terminer. Je voudrais vraiment vous remercier énormément. Je sais que nous aussi on veut te remercier. Vous êtes venu au PIAF. J'aurais dû en parler. J'en parlerai le mois prochain. J'aurais dû parler d'Animest, mais on a eu du temps. Je sais que vous aimez pas forcément ça, de venir devant les gens, de parler et à la fois. Là c'était plus c'est plus intime. Là c'est plus intime, c'est plus agréable que au PIAF où il y avait toute une salle. Mais heureusement on n'était pas monté sur scène grâce à toi. On avait tout fait pour que vous restiez. Mais sur c'était le côté, super parce que en fait on n'aime pas se mettre en scène. Les gens ont eu un peu le torticolis, mais bon. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, mais bon, ça va. Ah, il a gardé les. Oh, il a gardé. Mais on les était avec images. Les gens, oui. En fait. Ouais, c'était les images c'était qui plus agréable. Qui primaient plus que. Et puis je suis content de vous avoir aussi ici, parce que finalement, pour parler d'images, les mots. Ouais, c'est drôle. La radio, c'est quand même pas mal. Oui. C'est vrai. On se projette finalement. Il y a quand même des choses à dire. Il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on vous a demandé à un moment donné de. Je sais pas, de faire. Je trouve que les making-of sont souvent un petit peu pas géniaux sur les films, etc. Est-ce que. Je pense, vous avez demandé un jour de faire quelque chose sur votre travail. Ouais. Non, on a fait un peu au making-of, mais bon, moi j'ai toujours été tellement timide que c'est des brèves apparitions. Ouais, disons qu'on en avait fait une pour Ernest et Célestine, la série, et puis. Oui. Et puis, mais en fait, on était trop intimidés. Ah, il y a un making-of pour le Grand Méchant Renard. Ouais, mais c'était une mise en scène. Ouais, qui était rigolote. Qui est très chouette. Il est très bien, ce making-of. Et, avec des enfants. Et parler, évidemment, il n'y a pas de générique de fin, Nicolas, donc bien évidemment, tu me connais. Mais pas forcément quelque chose d'un petit peu. Est-ce que ça vous plaît quand même d'un seul coup, quand on travaille, encore une fois, sur un métier qui n'est pas forcément reconnu autant que ça, on n'en parle pas, justement, quand même, aujourd'hui, de passer au-delà de cette timidité pour venir dans un festival, pour venir à la radio. Parce que c'est toi, Alexis, tu sais. Non, mais oui, c'est important, bien sûr, parce que c'est comme une forme de reconnaissance, donc c'est chouette. Hein. C'est agréable, bien sûr. Merci beaucoup, encore une fois, à tous les deux d'être venus. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci. Merci, Alexis.